Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Alors, est-ce que tu préfères tuer quelqu'un pour valider que le pré-crime ça marche et du coup que ça continue comme ça et puis tu vas sauver des vies finalement puisque le crime sera complètement arrêté, ou alors ne pas le faire et donc pré-crime est complètement décrédibilisé et finalement il y a une remontée des meurtres et tu as ça sur la conscience. Comment tu fais ? Ah, remontée des meurtres, j'avais pas prévu ça. Oui, forcément. Ça dépend. Parce que c'est quoi ton système pour le ta réponse pour les systèmes ? Non, je pense que je vais pas tuer, je vais détruire pré-crime. Pré-crime, très okay. Difficile à dire. I feel the need for speed. I want the truth. First, take a big step back and literally fuck your own face. All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. Anger Man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You? Don't be funny! Don't be funny! Don't be the funny! Complete me. It's your last chance to walk away. Bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Aouh. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 23. Où nous allons vous parler de Minority Report, film sorti en 2002, réalisé par Steven Spielberg, où Tom Cruise joue le rôle de John Anderton. Anderton, oui, ouais. Tout à fait. Épisode un peu spécial puisque nous avons un invité au saxophone suave et au mollet saillant, un adepte du shortisme, Romaric est avec nous. Bonjour Romaric. Bonjour Romaric. Serena, coucou Paulin. Comment ça va? Oh, bien, très bien. En joie. Cool. Alors, petite question, quand on a des invités, quel est ton rapport à Tom Cruise ou tes rapports avec Tom Cruise? On ne sait pas, ça c'est ta vie. Tu nous racontes ce que tu veux sur ça. Alors, mon rapport à Tom Cruise, moi je ne l'ai pas découvert avec Top Gun ou je ne l'ai pas découvert... je crois que je ne l'ai pas vraiment découvert avec ses films des années 80. Je crois que je l'ai plus découvert avec des films de type Minority Report ou quand il a bossé avec des réalisateurs... que je regardais, qui m'intéressaient, comme par exemple Spielberg ici, ou alors comme Eyes Wide Shut avec Kubrick, dans cette catégorie-là, et puis l'émission Impossible aussi, là, parce que j'aimais beaucoup quand même aller au cinéma pour voir du voilà, la bagarre. Oui. Voilà. Donc voilà un peu cool. Comment j'ai découvert et mon rapport à Tom Cruise. Ok, très bien. Super. Bah, c'est bien ça. Ouais, c'est on a quelqu'un qui est un peu enthousiaste. Oui. Ça change, c'est cool. Parce que d'habitude, les guests, ils disent toujours non, ouais, aucun pas... rapport. Ah, Tom Cruise, ouais. Je connais pas. Ouais. Du coup, alors tous les deux, Serena Romaric, vous aviez déjà vu Minority Report avant? Oui, oui. Oui. Oui. Et quand aussi vous... Oui, moi je l'ai déjà. Comment vous sentiez-vous à l'idée de revoir ce film? Romaric, vas-y. J'étais plutôt enjoué. J'en avais eu il m'en restait un bon souvenir quand je l'ai vu, j'étais pas déçu. Et toi Serena, moi je l'avais vu au cinéma dans ma petite banlieue véronaise et ça, j'avais très envie de le revoir. J'avais pas revu depuis, je crois. Okay. Peut-être une fois. Donc du coup, si on suit ta logique, c'est un grand film puisqu'il a été jusqu'à projeté en Italie. Ben oui, attends, mais Acadie David, vas-y, pour projeter Acadie David dans le petit cinéma pourri là. Ouais, comme quoi, c'est notre nouveau critère. Ça veut dire que ça a fait un peu de succès au moins. Ouais, okay. Quand même. Voilà. Mais tu l'avais ouais. pas revu depuis? Je pense pas. Ok. Je m'ai jamais rappelé très bien. En fait, c'était resté très marqué dans mon... Parce que c'est peut-être un film très limpide et très bien ouais. réalisé. Et toi? Moi, je l'avais déjà vu plusieurs fois. J'avais vu au ciné et puis après, beaucoup. Ça fait partie des films de SF que j'aime beaucoup. Donc, j'étais très content de le revoir et puis très content de m'être refait avoir par le film. Ouais. Cool. J'anticipe un peu. Ça m'a fait pareil. Ouais, c'est marrant. Hein. Mm-hmm. C'est hyper agréable, ce genre de truc. Bref. Ouais, c'est mais ça, cool. c'est Steven. Je pense que c'est Steven. Peut-être. Steven. Et Tom, bien sûr. Mais oui, merci. Bon sang, on n'a plus besoin de le dire, tout le monde le sait. Serena, est-ce que tu es prête Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Je vais tout spoiler, encore oui, une fois, comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est nous parti. Commençons notre film avec des images chez nous. de personnes qui s'embrassent, un truc à l'envers, de personnes un peu à poil, on comprend pas. Une nana sort d'un liquide laiteux et elle dit « Homicide !» Bam ! Une machine... C'est bluffant, tu le fais trop bien, ça. Une machine bizarre, dans un futur chelou, construit une petite balle qui roule. Il y a un nom imprimé dessous et c'est fou dans une case avec écrit « Victime » et on voit les noms des deux personnes. Il y a une autre balle rouge qui est construite par la même machine qui rentre dans ce même truc, elle roule et elle est dans la case assassin, quoi. Oui. C'est les pré-assassins. Celui qui va commettre le meurtre. Perpetrator. Voilà. Le perpétrateur. Voilà. Pour peu que ça existe. Bon, bah. Donc, on voit les deux noms. On voit Tom Cruise, il y a un petit titre avec écrit « Division pré-crime ». Très difficile à dire. Année 2054, Tom Cruise est là à la division pré-crime. Il vient voir ces deux balles. Donc, balle rouge, ça veut dire homicide passionnel. Oui, spontané, pas prémédité. Voilà, très bien, merci. Impressionnant. Et donc, on entend, en gros, on est dans un futur où on découvre les crimes avant qu'ils soient commis. D'où le nom pré-crime. Voilà. Et donc, ils découvrent que l'heure du crime potentiel qui va se passer, c'est à 8h04. Ils ont 24 minutes pour trouver l'assassin, voir où il est, avec ces peu d'images qu'on a vues au début. Il n'y a pas grand-chose dans ces images-là. Tom Cruise, avec des petits gants trop stylés, piouf, piouf, il zoome sur les images, il fait des trucs sur un écran transparent. C'est un iPad géant transparent. C'est un peu chelou. Il y a des gens qui voient ces mêmes images. Il y a un juge et une nana qui regardent... C'est des témoins qui doivent justement valider la vision qu'ils vont analyser. Voilà. Et donc, il valide. Tom Cruise part à la chasse de cet homme qui s'appelle Howard Marx. Bon, on s'en fout de ce gars qui va tuer machin. Et on découvre, en gros, que c'est un mari qui se fait tromper par sa femme et qui veut buter en découvrant l'adultère. En découvrant l'adultère. Et Tom Cruise arrive avec une équipe de policiers du futur, bloque les gars. Ils n'arrivent pas du futur, hein, ils sont déjà dans le futur. Non, mais de 2054, oui, bien vu. Les policiers du futur, c'est bizarre. Bon, avec une équipe de policiers de cette époque-là, qui bloque. Ouais, c'est hyper compliqué. Qui bloque les mecs et il arrête pour futur crime qu'il n'a pas commis, juste avant qu'il tue sa femme. Donc, ils lui mettent le fameux halo. Oui, c'est un petit serre-tête avec des ventouses, pour faire simple. Ouais, et en fait, qui le bloque à toujours dans une prison mentale. Donc voilà, bonne journée des fêtes. Allez, on va à la cafette. Bon, Tom Cruise court journée. Dans la nuit. Il va acheter de la drogue, qu'on appelle la clarté. On comprend qu'il est un peu triste. C'est un junkie. Il en prend plein. Il va à la maison et commence à voir des anciennes cassettes du futur. Alors du coup, c'est pas des cassettes, c'est des petits disques en verre. Transparents. Mais c'est comme des VHS du futur. Ouais, qui font apparaître des images en hologramme, disons. Ouais. Hein, des hologrammes pas très bien réussis, mais des hologrammes. Oh, c'est pas pire. Oh. Donc, il voit des images de son enfant on comprend qu'il est mort, et de sa femme, et il est désespéré, il se drogue. Fin de la journée. Dans son appart, où c'est Bagdad, quoi, c'est le bordel. Ouais, quand même. C'est un peu tout. Ça nous plein pose des le poubelles. Personnage comme un mec un peu désespéré. Il vit pas sa meilleure vie, quoi. Non, très sombre. Mais par contre, au boulot, il est au top. Ouais. Il retourne au boulot le lendemain, comme si de rien c'était. Et il y a un observateur du ministère de la Justice. Danny Whitwer, c'est ça, interprété par Colin Farrell, qui vient contrôler, ça la merde, on comprend que ça la merde très vite, mais qui vient contrôler c'est quoi ces trucs. Et donc on lui explique comment ça marche, ces systèmes de pré-crime. Il y a trois précog, qui sont des êtres avec des pouvoirs un peu mystiques, qui prennent énormément de drogues. Qui prennent des calmants, ils sont sous un cocktail de médicaments très précaires. Ils sont maintenus dans un grand liquide pour qu'ils soient tout le temps en état de recherche mentale des Il des est visions, liquide, quoi. Monsieur, s'appelle l'éphotonique. Oh, l'éphotonique, waouh. qui fonctionne un peu comme un conducteur de leurs pensées. Donc, quand ils ont des prémonitions par rapport au crime, et on les voit sur grand écran, donc les photoniques l'amènent sur grand écran, et les machines découvrent c'est qui l'assassin et c'est qui la victime. Et donc, la police peut intervenir avant que les crimes arrivent vraiment. Les trucs, c'est qu'il y a plusieurs types de crimes. Et on découvre à ce moment-là que les crimes prémédités, ça n'existe plus. On est dans une société où ça n'a aucun sens. Parce que quand c'est un crime prémédité, t'as une semaine pour le faire. Donc, c'est souvent des crimes passionnels. Et c'est que les homicides. Ils sont pas... Oui, c'est que homicides. Ils ne découvrent pas si tu t'es fait violer ou des trucs comme ça. Et ça se passe que à Washington. L'unité pré-crime, c'est que à Washington. Et c'est pour ça que ça pourrait être lancé au niveau national. Tout et donc que Danny Whitworth vient au nom du ministère de la Justice pour vérifier que ce ne soit pas n'importe quoi. Très bien. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, on découvre qu'il y a trois personnes. Ces pré-crimes sont trois. Il y a Agatha et deux jumeaux, Arthur et Dashiell. Oui. Dashiell. Et Agatha, on comprend tout de suite, elle est la plus douée. Et les deux autres, ils sont moins doués. Mais on dit un peu ça, quoi. C'est des losers, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et ils sont dans un espace qui est séparé des policiers, qui s'appelle les temples. Et Danny Whitworth, il veut aller voir les Pekong dans leur temple. Il dit, non, jamais personne n'y allait. Ah, c'était ouf. Et tout d'un coup, tout le monde y rentre. Et tout le monde y va. C'est bizarre. Ils sont là, ils regardent les Pekong. Et à un moment, Tom Cruise s'approche un peu d'Agatha. Agatha, oui. Elle le voit, elle l'attrape, elle lui montre une vision d'une nana qui s'est fait noyer. On voit les crimes d'une femme noyée dans l'eau avec du sang. Et elle dit, tu vois ça, tu vois ça. Et là, ça part en cacahuète. Oui. Déjà, les pélicans ne voient pas les êtres humains, donc c'est très bizarre qu'elle l'a vu et qu'il lui a parlé. Et, qu'elle lui parle, oui. Et c'est quoi cette image, quoi? C'est quoi ces crimes? Parce que ce n'est pas enregistré par la machine. Donc, Tom... Est-ce que c'est pas là qu'il parle du fait des échos? Que les précoques, des fois, on a des visions de meurtres qui sont déjà passées, mais c'est un écho du meurtre qui est... C'est un peu après. Mais c'est pas très grave. En tout cas, il y a ces échos, donc tu vois l'image, tu vois les crimes plusieurs fois, une fois qu'il a été résolu, ils peuvent encore avoir des échos de cette même image. Donc on se demande si c'est pas ça, à ce moment-là, parce que les crimes sont déjà... aurait déjà dû passer. Oui. Compliqué. Donc, du futur. Tom Cruise, il voit plus clair. Donc, il va à la prison. Il va voir la sentinelle de la maison, Gideon. Donc, on découvre la prison. C'est un truc de ouf malade. Tous les prisonniers, ils sont dans une espèce de cellule où ils sont bloqués. Ils voient des images sur écran. Et on voit l'image de leur crime sur leur écran. Donc, il va chercher cette... je ne sais plus comment il fait. Ah oui, il cherche tous les noyés. Oui, c'est ça. Il n'a pas le nom. Donc, il cherche les femmes blanches noyées. Donc, on découvre que c'est un cas très, très, très ancien. Donc, un des premiers cas de pré-Kong. Et il veut voir la vision d'Agatha, parce que tu peux voir les visions des trois pré-Kong. Il veut voir la vision d'Agatha. Et elle n'est pas là. Bizarre. Comme c'est il n'y a pas. Ah, c'est bizarre. Et la victime... Ah, elle a disparu, Il n'a pas de nom. C'est un mec. C'est un mec. Mais il n'a pas de nom, ils ne l'ont jamais identifié parce qu'il avait changé ses yeux. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais. Les prisonniers. Mais même la femme, je crois que... elle a disparu. La femme qui devait être tuée. Oui. On ne sait plus où elle est. Ils ont le nom, mais ils ne savent pas où elle est. Voilà, c'est vrai. Elle s'appelle Anne Lively. Lively. Comme tu veux. Bon, bizarre. Tom Cruise retourne au boulot. Oui, parce qu'il va jamais chez lui. Donc, il a pas de vie, il est au boulot. Danny Whitworth, déjà, l'observateur du ministère, il va chez Tom Cruise parce qu'il veut fouiller un peu dans son passé. Parce qu'il dit, oui, les pré-Kong, c'est sûr, ils se trompent jamais, mais la faille est humaine. Il va chez Tom Cruise et il voit qu'il se drogue. Donc, ça commence pas bien. Bingo. Tom Cruise, il va au boulot. Il voit, il y a un nouveau crime qui arrive, c'est un crime prémédité. Ah, c'est qui ces cons qui fait encore un crime prémédité aujourd'hui? Eh ben, le perpétuaire, le con en question, c'est lui-même, c'est un Cruise. John Underton. Donc John Underton, il dit, oh non, il doit se casser. Il comprend qu'il doit se casser. Il essaye de, il a deux minutes pour quitter la pièce avant que son pote il lance l'alarme. En tout cas, il lui dit, bon, t'as deux minutes, allez, casse-toi. Il court. Oh non. Et il pense que c'est Whitworth, donc l'observateur, qui l'a piégé. Oui. Encore une théorie du complot. Tous les films de Tom Cruise, il y a des théories du complot. Après, en fait, on se rend compte que dans cette société du futur, tu es scanné par les yeux. Donc, tous les yeux, en permanence. Toutes les pubs, elles découvrent elles scannent tes yeux et du coup, ils te font des pubs personnalisées. Donc, lui, il se rend compte que pour s'échapper dans cette société, il doit enlever ses yeux. Oh, change ses yeux. Oui, mais c'est donc... là, il est pourchassé, tout le monde le sait, ça apparaît sur tous les journaux, tout ça. Danny Whitworth, il le suit, il est en super chasse-poursuite dans une usine de voitures. Allez la voir, elle est trop bien. Après, John, il s'est dit, en fait, Tom Cruise s'est dit, je dois aller voir la chef, celle qui a inventé ce système de prémonition, qui s'appelle Iris Hinman, qui se retrouve au fin fond de la forêt. Il va au fin fond de la forêt et elle lui raconte, en gros, que quand elle a découvert, elle ne voulait pas découvrir ça, elle déteste les systèmes de pré-crime. Elle voulait juste sauver ses enfants, ces gens qui avaient des pouvoirs, qui étaient des enfants de parents drogués, qui, à un moment, on a découvert qu'ils avaient des pouvoirs, ils ne se trompaient jamais, mais qui vivaient une vie d'horreur parce qu'ils voient des crimes tout le temps. Et qui a été complètement pris par les systèmes, notamment par Lamar Burgos, les chefs de Tom Cruise et amis de Tom Cruise, quoi, un peu les vieux amis de Tom Cruise, la figure paternelle. C'est le créateur de pré-crime original. Donc, Hinman dit à Tom Cruise, en gros, lui, il demande par rapport à cette vision et de, qui le concerne, en disant, mais il y a sûrement une faille, mais je veux tuer personne. Pourquoi j'ai vu que... Je connais pas ce mec, je sais pas ce que c'est. Ouais, d'ailleurs, il connaît pas la victime. Donc elle dit, oui, mais il y a des fois, les Prikong, ils sont pas d'accord. Il y a un rapport minoritaire qui a une vision légèrement différente qu'on jette à la poubelle pour faire en sorte que les visions, ce soit toujours pareil, qu'il n'y a pas de doute. Et ah, j'ai déjà trouvé les rapports minoritaires de mon cas. D'où le titre du film. Ouais. Pour ceux qui suivent. Enfin, c'est un peu... C'était technique. Hein. Donc, il va changer ses yeux d'abord. D1, il s'enlève avec un docteur chelou qui le déteste parce que Tom Cruise l'a mis en prison, il l'a coffré il y a longtemps. Donc, scène très bizarre. Il lui change les yeux. Il se retrouve dans un appartement tout pourri sans pouvoir voir. Oui, il doit rester 12 heures sans enlever le bandeau, sinon il deviendrait aveugle. Aveugle. La police, entre-temps, il le cherche. Donc, il découvre qu'il est dans cette zone-là. Ils vont envoyer des araignées. Donc, c'est des êtres, des petites araignées robotiques qui contrôlent, qui scannent les yeux de tout le monde. Donc, ils découvrent qu'il y a 27 corps. Ils scannent les yeux de Tom Cruise, même s'il ne devait pas trop montrer dans une scène horrible. Et ça marche parce qu'il a changé les yeux, donc il ne découvre pas. Tout va bien. Dani s'est dit qu'il doit récupérer Agatha pour pouvoir télécharger les rapports minoritaires qui le concernent. Et il arrive à rentrer dans le pré-crime. Le pré-crime, oui. Il prend Agatha, il part avec. Il se retrouve à devoir trouver un gars qui l'aide à télécharger donc une vieille racaille qu'il connaissait, qui s'appelle Rufus T. Riley, qui gère une espèce de lieu chelou. Oui, où tu peux avoir des rêves sur demande, enfin, tu fais de la réalité augmentée, des trucs un peu. Réalité augmentée, plutôt porno et tout ça. Mais oui, pas officiellement, mais... Pas que ça. Officieusement. Mais... Oui, parce que c'est un mec qui a une remise de récompense. Oui, voilà, ouais. Good job. Ah, non, merci. C'est très, très drôle, cette petite scène. Donc, Rufus arrive à télécharger la mémoire d'Agatha, mais il n'y a pas de rapport minoritaire sur Tom Cruise. Oups. Oupsie. Il dit, mais non, mais c'est pas possible, je ne vais pas tuer ce gars. C'est qui ce gars? C'est qui m'a... fait les complots, quoi. Oui. La police arrive, il le trouve, course-poursuite, il se passe plein de trucs, mais il arrive à s'échapper. Il trouve l'hôtel où cette fameuse victime se trouverait, donc oui. Leo Crow. Il va dans sa chambre, Agatha lui dit, non, s'il te plaît, n'aille pas. Maintenant que tu sais, tu peux encore choisir. Et il dit, mais non, mais je ne vais pas les tuer. Juste poser deux, trois questions. On découvre entre-temps que l'enfant de Tom Cruise, il a été kidnappé à la piscine quand il était avec lui, dans une piscine surbondée. Tom Cruise, il rentre dans la piscine, il sort, il n'est plus là. Aïe. Ça, c'est son traumatisme. Donc, ouais, c'était il y a 4-5 ans. Ouais. Et qui s'est séparé de sa femme à cette occasion-là. Oui. Donc, on se retrouve dans la chambre d'hôtel. De Leo Crow. De Leo Crow. Victime. Il y a tout un tas de photos étalées sur le lit, notamment des photos de l'enfant de Tom Cruise et des photos de l'enfant de Tom Cruise avec ces mecs-là. Donc, il capte que c'est les mecs qui a son fils. Un pédocriminel. Voilà. Les gars, il arrive dans la chambre, il confesse. Et Tom Cruise, il veut le tuer. Il a les pistolets, il a tout. Il veut le tuer. Et il dit, non, je ne vais pas te tuer. Agatha a raison, t'es en état d'arrestation, c'est hyper dur, c'est hyper difficile. Et le gars dit, non, mais si tu ne me tues pas, ma famille n'aura pas la récompense. Quoi? What? Donc, on découvre, voilà, on découvre qu'il a été embauché par quelqu'un pour encastrer effectivement complot contre Tom Cruise. Oui, pour faire croire que c'était lui qui avait tué le gamin de Tom Cruise et faire péter un câble à Tom Cruise qui allait le tuer pour machin. Voilà. Donc Tom Cruise, il dit complot. Mais les gars, il prend quand même le pistolet. Ce serait énorme. Il soit dans la rue avec une grande pancarte avec complot, complot. Les gars, il prend quand même le pistolet avec la main de Tom Cruise et il s'est tué. Et oui. Donc la police débarque, il embarque Tom Cruise. Whitware, donc l'observateur du ministère, il s'est retrouvé avec les photos, il dit « Ah, c'est bizarre quand même, ça fait un peu mise en scène. Moi, je crois pas du tout à ces trucs-là. Trop bizarre. Ça m'est jamais arrivé. C'est louche. J'investigue plus. » C'est ça? Oui. il investigue plus. Il découvre qu'Agatha... en effet, il découvre l'histoire de Minority Report. Ouais. Donc, il découvre ces fameuses images de cette fameuse première femme qui a été tuée. Noyée. Anne Livlin. Je ne sais plus. On Livelli. Livelli, voilà. Attends. Ah. Et il s'est dit. Et du coup, il appelle Lamar, les grands chefs, en disant regarde, c'est chelou. En fait, dans les rapports minoritaires de Agatha, on voit que l'eau du lac, elle est à l'envers. Oui, que le vent a tourné et qu'en fait, c'est pas exactement la même vision. C'est a priori c'est pas en même temps. Donc, c'est pas en même temps. Donc, ma suspicion, c'est qu'il y a quelqu'un qui sait cette histoire des échos, qui embauche quelqu'un pour tuer une personne d'une certaine façon. La personne, elle se fait rater. Donc, avant d'avoir fait le crime. Et la personne qui a embauché, il fait exactement le même crime de la même façon. Donc, il arrive vraiment à tuer la personne. Mais on croira que c'est des échos, nous. Donc, oui, on les efface. Voilà. Puisqu'on a déjà vu ce crime. Et les crimes, ça a fait. Malin. C'est très malin, mais qui pourrait faire ça? Qui pourrait faire? Lamar sort son pistolet, les vieux papis tout gentils, et pam, pam, et tue Danny Whitware. Bam. Donc a priori, voilà. C'est Lamar. Je pense qu'on a compris que Lamar n'était pas quelqu'un de très clean. Très bien. Donc, dans tout ça, Tom Cruise, il s'est fait arrêter. Oui. Il s'est fait arrêter, il est en prison. Il est à la arrêter parce qu'entre temps, il a été chez sa femme. C'est chez sa femme qu'il se fait arrêter. Oui. C'est ça. En fait, John, Tom Cruise, il va voir sa femme pour amener Agatha pour la planquer. Et il lui parle de cette Anne Livelli. Parce que lui, il cherche maintenant l'histoire de Anne Livelli pour savoir. Parce c'est que c'est quoi, ça la base du complot, a priori. C'est où les complots, quoi. Et il comprend. Donc Lara, elle appelle Lamar. Oui. En disant, il est ici, John, il faut que tu viennes nous aider. Donc, Tom Cruise, il se fait arrêter. Oui. Il se fait envoyer dans la prison avec le petit cercle, machin, tout ça. Voilà, adieu, ouais. Au revoir. Le lendemain, Lamar, donc le référendum a passé, a priori les pré-crimes, il va partout dans le pays. Lamar, il tient une conférence pour dire les grands succès de Lamar et de son invention. Il va à la conférence, il y a Lara, donc l'ex-femme de Tom Cruise, qui est là et qui lui dit « Mais cette histoire d'Anne Livelli, Tom Cruise m'en a parlé. John, il m'en a parlé. » Entre-temps, elle a fait échapper Tom Cruise de la prison. Non, c'est après. Non. D'abord, il lui dit... D'abord, il lui dit « Tom Cruise m'en a parlé, mais c'est trop bizarre, cette femme qui a été tuée. » Et la mère, il lui dit « Non, mais t'inquiète, demain, je ferai des investigations sur cette femme qui a été noyée. » Elle dit « Mais j'ai jamais dit qu'elle a été noyée. » Lamar, il dit « Oh oui, je dois aller à la conférence. Au revoir. » Elle voit sur les bureaux de Lamar, elle prend un pistolet et elle prend les yeux de Tom Cruise qui s'est fait enlever. Ouais. Donc, elle passe à la prison, parce qu'elle a les yeux de Tom Cruise, ce qui passe encore, bizarrement. Oui, ça, c'est quand même chelou. Ils auraient dû, dès le début, lui couper ses accès. C'est bon. Elle se retrouve avec la sentinelle, elle dit, donc de la prison, « Gideon, je veux voir mon mari. Tu me sors Tom Cruise, t'es là. » Elle sort Tom Cruise. On est à la conférence des presses. Tom Cruise. Génial ce résumé. Il s'appelle même plus par son nom personnage. C'est trop difficile. Ça n'arrive jamais, ça. Tom Cruise. Donc, Lamar est « Haha, bravo Lamar. Ah, super conférence. » On lui offre un flingue de confédéré ou je sais pas quoi. Ouais, un truc un peu stylé. Et Tom Cruise... son téléphone sonne. Sa secrétaire lui dit « C'est très important. » Alors, c'est allô? Qui Allô, c'est Tom Cruise. Bonjour, c'est Tom Cruise. Merde. Donc, il lui explique cette histoire des échos qu'on avait dit tout à l'heure. Il dit qu'il a tout compris. Il a tout compris, c'était lui, machin truc. Il prend les images et les envoie à la conférence des presse. Donc, Lamar est très en colère. Il dit, mais tu es où? Il le poursuit. Il se retrouve face à face. Et Tom Cruise, il dit, bah alors, dilemme, tu vas me tuer. Donc, pré-crime, il sait que tu vas me tuer parce que maintenant tout le monde le sait parce que tu as les pistolets et tout. Si tu vas me tuer, tu vas prouver que pré-crime fonctionne vraiment, mais tu seras en prison pour le reste de ta vie. Ou tu décides de ne pas me tuer et dire que pré-crime ne fonctionne pas. Parce que si tu as vu les images, ça ne marche plus, tu as les choix. Et oui. Et Lamar dit t'inquiète, j'ai déjà décidé quoi faire. Et bam! Il s'est tué lui-même. What? Donc voilà, il s'est tué lui-même. Pré-crime a été détruit. Les Pricong. Pricong maintenant. Pricong. On est passé de Pricog à Pricong. Pricog. Oui, voilà, ça, j'arrive pas à dire. Les Pricog vivent dans une petite. Un petit chalet au bord de l'eau. Histoire des faits, lit des bouquins, libéré de leurs problèmes. Et Tom Cruise, il est revenu avec sa femme qui, bizarrement, est enceinte. D'un deuxième enfant. Tan, tan, tan. Wow. Fin du film. Bravo. Bravo. Wow. Voilà, Sirena est épuisée. Très chaud. J'ai transpiré et tout. Ah, bah oui, là, c'était sport. Hein. Mais c'est ça résumé contenu. Alors après, bon. J'imagine que vous avez déjà vu le film ou que vous n'avez pas prévu de le voir. Après, ceci dit, nous, on s'est fait surprendre. Oui, même si tu le connais, même ça si se regarde bien parce que ça reste quand même un grand film. Et en plus, il n'allait pas expliquer très très bien, donc je pense que les gens ils vont pouvoir le revoir facilement. Oui, parce que les Pricong, je n'ai toujours pas saisi. Pricog. Precognition, je ne sais pas quoi. Personne, je ne sais pas quoi. Ok, pour rester dans l'ambiance, on se fait un petit extrait qu'on va commenter. C'est un extrait qui a lieu, c'est la course-poursuite quand John Underton, donc Tom Cruise, a été. Enfin, il y a eu les boules pour dire qu'il allait tuer quelqu'un. Et les flics commencent à le pourchasser dans les rues, dans les bas-fonds de Washington, D.C. Ses anciens collègues. Oui, c'est vrai, ses anciens collègues. Alors attends, je retrouve mon bouton et c'est parti. Il y a tous les policiers autour de Tom Cruise qui veulent lui mettre les halos. C'est ok. Non. Et le chien qui aboie, ça distrait tout le monde. Ah oui, ils utilisent les vomitifiques. Donc ils commencent à vomir les uns sur les autres. Tom Cruise, il grimpe sur une petite échelle. Ils ont tous des petits jetpacks. Donc, ouais, ils volent les autres policiers. Comment il va faire pour s'en sortir? Ouais, c'est Tom Cruise, il va bam, s'en sortir. Coup de pied. Ah, il continue de monter son petit escalier. Il lui enlève le jetpack. Voilà. Mais il vérifie quand même qu'il est bien grippé, qu'il va pas tomber dans la vide. Ça reste un collègue. Donc il se donne des coups de pied attachés en petite échelle. Oui, lui il est suspendu en l'air et les autres tournent autour de lui. Oh, il y a un policier qui vole vers lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il saute dessus. Bam. Joli. la chute va être dure. Il précipite, et Tom Cruise prend les contrôles du jetpack. Je sais pas comment on dit. Et encore une fois, il s'arrête à 1 mètre du sol, comme dans tous ses chiens. C'est trop bien. C'est très fort. Ça se trouve bien. And the turn! Voilà, donc il est sur le dos du. D'un policier. Il prend quand même une tripotée de coups de poing. Ouais, c'est vrai. Tout le monde le mandale. Suit. C'est ouf parce qu'il y a 8 policiers super bien équipés. Et ils n'arrivent pas, il est trop fort. Donc là, il fait de l'aquaplaning avec le jetpack. Il remonte. Il pète les jardinières. Il casse les jardinières. Il rentre dans un tuyau de chantier qui est en feu. Avec de la fumée tout autour. Là, il est en train de tout péter. Il pète les échafaudages. Il rentre dans un appartement. Il rentre chez des gens. Il y a un petit couple avec qui cuisine. Parce que du coup, il va cuire les steaks. Ça, j'adore. Ça, c'est Spielberg. Le jetpack qui va cuire les steaks, c'est très drôle. Le papy qui dort encore. Alors c'est il se rend pas compte. C'est le passage comique du film. Ouais, ouais. Et après, Tom Cruise, il décide, il est encerclé. Il y a 2 policiers sur lui qui volent. Ils sont tous agrippés les uns aux autres et bam! Il se jette sur le plafond. Et la famille au-dessus qui mange que des secousses. C'est con. Cool. En mode Jurassic Park. Qu'est-ce qui va se passer? Pas mal, et ça fait la fin. Et la petite gars. Cut sur un garçon qui fait du saxophone. Comme Romaric, d'ailleurs. voilà. C'est vrai que les trucs, les coups des steaks, c'est vraiment un Spielberg. Ah, ah mais oui. cette scène-là, ouais. Je crois qu'il y a tout. Il s'est dit, ouais, sur cette course-poursuite, c'est là qu'on va mettre les trucs fun pour la famille. Ouais, c'est clair. Très, très fort. Très, très fort, Spielberg, mais très, très fort le film. Ouais. Qu'en avez-vous pensé, Romaric? Romaric, vas-y, parce que moi, okay, j'ai trop parlé. Romaric, ouais. Ah bah moi, j'ai trop, trop aimé. Mais voilà. Mais voilà, tu es subjugué. Mais voilà, tiens, en fait, j'y pense. Là, du film, là, le premier truc qui me vient à dire, un truc qui m'a un peu déçu, le seul truc presque qui m'a un peu déçu, c'était la musique. Et notamment là, par exemple, sur cet extrait, on a pu s'en rendre compte un peu. Mm. C'est quand même toujours John Williams qui a la musique. Et des fois, ça sort un peu de l'univers, quoi, parce que c'est quand même un film noir, un film assez obscur, SF. Et là, par exemple, on aurait pu prendre cette musique et la mettre sur du Indiana Jones, ou passer les images d'Indiana Jones, ça marchait très bien aussi. Fois, moi, là, à la relecture du film, ça m'a un peu sorti, en fait. C'est la musique qui, des fois, m'a sorti du film, quoi. Je me suis dit, ah non, là... Mais qui c'est déjà qui fait la musique? Et du coup, tu fais mince, dommage. Mm. Alors qu'il y avait des moments musicaux qui étaient vraiment hyper bien. Le moment où justement, il y a au tout début... Le thème le principal premier. Est bien. Ouais. Ouais, le thème, ouais, carrément. Mm. Et il y a aussi, juste au moment où il va y avoir le crime, le premier crime là, qui va être fait, là, la musique, elle marche énormément. Ça fait très Hitchcockien, ouais. Ou des trucs comme ça. C'est assez... Il a ses habitudes après, John Williams, ouais. Tu vois. Hein, quand il a un petit coup de mou, il se dit « Oh, tiens, je sais pas trop quoi faire. Attends, je me refais une adresse, c'est bon, celle-là, ça passe. Hop, je change l'orchestration et... Ils verront que du feu. Et moi, je m'en suis rendu compte en faisant les extraits, en cherchant les extraits sonores et en écoutant que la musique au casque. Et ah toi, tu fais, c'était dans le film, ça? C'est hyper bizarre. Je dirais pas. Mais c'est, après, c'est John Williams. Il a mais aussi Spielberg. À mon sens, c'est aussi Spielberg qui voulait pas trop rentrer dans un truc trop sombre. Oui. Parce que notamment cette scène-là, trop con et tout, c'est trop lui qui essaie de sortir un peu du côté science-fiction hyper glauque quand même. Ouais. Ça nous. Bon. Après, c'est on en discutait tout à l'heure en dehors. C'est les défauts de Spielberg aussi. Le défaut du film, c'est les fins, quoi. La fin où finalement, il faut toujours faire la pirouette pour que ça finisse bien. Et c'est vrai que tu te dis, trop bizarre. Ça casse un petit peu la dernière minute, vraiment sur Tom Cruise et sa femme qui vont avoir un enfant, qui sont trop contents. Les précoques qui sont dans leur chalet avec la petite lumière jolie en train de bouquiner. C'est bizarre. Ça fait Harry Potter d'un coup. Ça fait Harry Potter. Ouais, c'est vrai que c'est cottage Harry Potter, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un peu le truc qui vient un peu passer. Mais c'est les réflexes Spielberg, hein, en même temps. C'est des trucs qui sont ancrés dans tous ses films. Et même la question morale, on en discutait tout à l'heure aussi. La question morale de dire est-ce que c'est bien de mettre quelqu'un en prison alors qu'il l'a pas fait, c'est complètement évacué. On en parle très peu. Ah, en fait, c'est même pas le sujet du film, alors que c'est la partie la plus intéressante. Surtout, c'est que Spielberg, quasiment au tout début du film, ils font une pirouette pour parler de ça, en fait. Où il y a Whitewer qui arrive, qui dit, mais comment ça se fait qu'on emprisonne des mecs qui ont rien fait, en fait, puisqu'ils l'ont pas encore fait. Et t'as la fameuse scène où Tom Cruise arrive et lance une balle le long d'un comptoir. Et au bout, il y a Danny qui récupère la balle avant qu'elle tombe. Mm. Et il lui dit, mais pourquoi tu l'as récupérée, la balle? Mais parce qu'elle allait tomber. Mais t'en es sûr? Oui, je suis sûr qu'elle allait tomber. Et pourtant, tu l'as rattrapée. Ouais. C'est la pirouette de Spielberg pour dire, c'est bon, on a évacué ça. C'est bizarre. On n'évoquera pas plus. Ouais, c'est un petit peu ça. Et après, démerdez-vous avec ça. Après, t'as l'image de Tom Cruise, du coup, qui se retrouve confronté au choix de « Maintenant que tu sais, tu peux changer cette prémonition. » Ouais. Voilà. Ce qui est dans le bouquin, dans la nouvelle de Philippe K. Dick, est pour à peine beaucoup plus central. Oui, mais ça a du sens. C'est pas tout à fait la même histoire, c'est pas la même fin et tout ça. Mais... Ouais, apparemment. Ouais. J'ai écouté des gens qui en parlaient, mais moi je l'ai pas lu, la nouvelle. Ouais, je l'avais lu ado, j'en avais lu beaucoup des trucs, dont celle-là. Et c'est vrai que la fin, déjà, c'est pas le même personnage. En gros, dans la nouvelle, le personnage, c'est le mec qui a inventé Pré-Crime. John Anderton, c'est le gars qui a inventé Pré-Crime. C'est un vieux gars, chauve, bedonnant, qui est pas du tout une superstar du kung-fu, quoi. et qui, en gros, le truc dans la nouvelle, c'est qu'il y a... Alors, pour ceux qui veulent la lire, vous pouvez la lire et vous revenez après. Mais c'est qu'il y a trois rapports minoritaires. Là, dans le film, il y en a qu'un. Il y a que Agatha qui a un rapport minoritaire par rapport aux deux autres. Et sur le crime, le vieux crime de Burgess. Et là, c'est il y a trois rapports minoritaires. C'est-à-dire qu'il y a le premier, c'est le personnage de John Anderton qui va tuer un militaire qui est contre, qui est contre Précrime. Donc ça, c'est le premier rapport. Suite à ça, il y a un deuxième rapport qui existe où en fait, c'est la réaction, le fait que John Anderton sache qu'il va tuer quelqu'un. Ah. Finalement, il décide de ne pas tuer. Donc, ouais, ça crée un deuxième rapport. Ah, trop bien. Et il y a le troisième rapport. C'est qu'entre-temps, si tu suis l'histoire, John Anderton se rend compte que le général veut tout faire pour couler Précrime. Donc, il va finalement, malgré qu'il sait tout ça, il va finalement tuer le gars pour empêcher Précrime d'être détruit. Donc, en fait, il y a trois rapports minoritaires. Ah, c'est intéressant. Du coup, c'est encore plus... Enfin, voilà. Bah oui, parce que même l'effet que tu vois ton propre crime, ça change forcément quelque chose. Ouais. Et ça, dans le bouquin, il y a vraiment ce truc-là, en fait. T'as quasi systématiquement, dans tous les trucs, que des rapports minoritaires, parce que le fait de savoir, ça change quoi qu'il arrive les choses. C'est intéressant. Mais c'est beaucoup plus, dans la nouvelle. Après, c'est une nouvelle et ça, c'est vraiment sur ça l'idée. C'est pas tant sur tout l'univers, etc. Là, c'est tout ce que la production hollywoodienne fait, l'action et l'univers. Mais... ce qui est quand même dans le film, quand même assez important, tout ce qui se passe autour des yeux. Enfin, justement, le fait que tout le monde soit. Enfin, Big Brother, quoi. Ouais, tout le monde est vu, filmé. On peut même enregistrer tout ça. Ça, apparemment, de ce que j'avais entendu, ça y est pas dans la nouvelle. Et du coup, il y a quand même, voilà, tu vois que c'est vraiment une sorte de seconde proposition. Mais c'est souvent sur les films, les bouquins de Philippe K. Dick sont assez succincts et sont vraiment basés sur les conséquences humaines et pas tant sur les technologies et les évolutions. Et c'est pour ça que pour Hollywood, c'est des super trucs parce qu'en fait, c'est des histoires très courtes qui sont pas trop développées mais qui ont une idée hyper forte. Et après, tu me prends un bon cinéaste et tu développes tout un univers autour et tu fais Blade Runner, tu fais Minority Report, tu fais Total Recall, enfin, tu fais plein de films comme ça avec ces trucs-là. Et d'ailleurs, on disait ça aussi tout à l'heure, ça a super bien vieilli ce film. Oui. Je veux dire, toute la science-fiction. C'est pas ridicule, à part les gammes de Tom Cruise, que c'est un peu con. C'est con, mais ça marche, on les a maintenant, en fait. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est 2002, et c'était ça, c'est qu'il s'était entouré de monde pour réfléchir. Hein. Ah ouais, franchement, oui, apparemment, ils avaient fait 3 jours enfermés dans un hôtel, une sorte de colloque avec... les spécialistes scientifiques du monde entier. Oui, en architecture, en design, sur les automobiles, tout ça. Oui, les autos, parce qu'il y a je l'ai pas dit, mais les voitures qui se glissent en vertical. Oui, et qui n'ont plus des gravités. Qui sont magnétiques. Et il les a tous embarqués en leur disant 2054. Qu'est-ce là, vous connaissez le monde en 2000. En 2054, pour vous, c'est quoi l'évolution? Et du coup, il a tout adapté. Et quand tu le revois, effectivement, plusieurs années après, tu te dis « Ah, mais il y a plein de trucs qui marchent. » Les voitures autonomes, le scan et les publicités personnalisées. L'écran tactile, quand même. Parce qu'à l'époque, c'était un peu choquant. Tu dis « Ah délire, il faisait ça. » Mais non, c'était semble normal. Les hologrammes, la réalité virtuelle, les trucs comme ça. Carrément. Ouais. Bah, oui, les sexes avec... carrément. Et en fait, 2005, et on n'y est pas encore, nous, on là. On n'y est pas encore. Ouais, on les voit vraiment arriver, mais le côté l'écran qui s'ouvre, des choses comme ça, même il n'y a pas d'écran, je crois. En fait, quand il fait son. C'est que des vitres. C'est une grande vitre. Oui, voilà. Ça. Les surfaces transparentes. C'est en cours, quoi. Et là où c'est balèze aussi, c'est qu'au niveau de la direction artistique, ils arrivent à faire un truc qui soit pas trop marqué, en fait, qui soit assez discret. Il y a effectivement la photo qui joue vachement le jeu, quoi, mais de pas avoir des trucs complètement foufou avec des lasers, bim boum, etc. Non, tu restes sur un truc qui est vraiment une dérivation sans aller trop trop loin. C'est une belle production. Encore une fois, les effets servent un propos. Ouais. Et du coup, dans ce sens-là, on a un film qui arrive, ça aide le film à vieillir, quoi. Carrément. Parce que bon, souvent quand c'est axé sur les effets spéciaux, malheureusement, ça ça ne vit pas très sert longtemps. À rien. Et d'ailleurs, pour la petite... tu parlais de Blade Runner aussi. Du coup, j'ai appris ça. C'est un peu croustillant. Vas-y. Alors, attends, je l'ai noté parce que quand même... Ouais, alors, avant que Tom Cruise et Spielberg s'intéressent au projet, les producteurs de Blade Runner avaient l'intention... Ah non, c'est pas Blade Runner. C'est Total Recall. Ils avaient l'intention de faire un Total Recall 2. Ouais, le scénario original, c'était censé être la suite de Total Recall, alors que les bouquins n'ont rien à voir. Ils ont tous les deux écrits par Philippe K. Dick. Mais ils se sont dit, on va faire comme si c'était dans l'univers de Total Recall, avec l'histoire de Minority Report. Et ça se serait passé sur Mars, etc. Quoi. Et Spielberg arrivait, a dit, non. Non. On oublie, ça, c'est nul. Ah ouais. Et voilà. Apparemment, c'est même Tom Cruise qui aurait lancé l'idée, quoi, à Spielberg et tout. C'est lui qui est à l'origine un peu de... Ouais, Spielberg. Ouais, il fait surtout ça. Que c'était la période où Spielberg, il venait de... Il avait fini Intelligence Artificielle. Ouais. Qu'il avait du coup repris suite au décès de Kubrick, puisque à la base c'était un projet Kubrick. Mais c'était avant Intelligence Artificielle. Minority Report, c'est après. En fait, oui, Kubrick décède après, à la sortie d'Eyes Wide Shut. Spielberg récupère le projet Intelligence Artificielle parce qu'il avait envie de le faire parce que c'était Kubrick, etc. Et dans la foulée, il enchaîne avec la production de Minority Report avec Tom Cruise. Mais du coup, Minority Report était prévu avant. Suite au décès de Kubrick qu'il a voulu faire d'abord Intelligence Artificielle et ensuite partir sur l'idée de Minority Report. Moi j'avais détesté Intelligence Artificielle, mais... mais je me rappelle plus trop, mais c'était un peu Pinocchio version robot, non? Oui, c'est ça, un peu. C'est... t'as pas beaucoup d'histoire dans les... de manière générale. Moi, j'étais trop content de me dire, tiens, Spielberg qui reprend. En plus, je savais qu'il y avait quand même une histoire, un historique entre Spielberg et Kubrick. Je me suis dit, tiens, enfin, j'étais trop hypé, en fait. Je me suis dit, c'est parti, ça va être trop bien. Je suis allé voir ça au ciné avec mon père. Ah, et puis, aussi, c'est les premiers Spielberg science-fiction vraiment qui fait. Moins fun, quoi. Ouais. Parce qu'avant, en science-fiction, il a fait E.T., c'est gentil science-fiction. Rencontre du troisième type, c'est un peu... Bah, Jurassic Park, c'est science-fiction. Ouais, hein. mais c'est pas pur SF en dans 100 ans ou dans 50 ans, etc. Tu vois. Ouais, intéressant. Et surtout, ça a posé des bases vachement pour les films de science-fiction après. Minority Report, grave. Je trouve, en termes de réal et tout ça, il y en a plein qui ont essayé. Bon, il n'y a pas grand monde qui a réussi à faire au niveau visuel la même chose. Mais on a eu droit quand même à une tétrachier de films où on met des filtres dégueulasses sans savoir ce qu'on fait. Ouais, c'est vrai. C'est ça pour ça, pas merci, mais bon. Bah, c'est aussi que ça reste. Tout le monde s'appelle pas Spielberg, c'est dans le futur, donc c'était choquant à l'époque de voir ces futurs loin. Et en même temps, c'est tellement proche de nous aussi, ça pose des questions morales qui nous concernent aussi. Donc ça joue quand même sur un pari qui a réussi. Loin, mais proche. Bonne résumé. Voilà. Et alors, est-ce que j'avais vu que le chef opérateur, du coup, Janusz Kaminski, qui est un des proches de Spielberg, il avait bidouillé en fait avec le développement de la pellicule pour trouver justement ce truc-là. Pour que ce soit hyper contrasté et que ça parte vers le bleu argenté un peu et casser tout le reste du contraste. Et du coup, ils ont bidouillé sur le... ça a été vraiment réfléchi et ça donne une patte qui est hyper cool, quoi. Ça fait un peu thriller, film noir, mais... Et c'est ça qui reste. En même temps, et ça marche super bien, quoi. Moi, c'était ça qui... J'avais les images de l'écran et de la lumière, quoi. Les lumières, c'est ouf. Les grosses directions. Des fois, c'est beaucoup. Ouais. T'as l'impression qu'il y a quatre pick-up dans le jardin qui balancent les phares à plein. Mais c'est assez classique. C'est cool. Et les... Autre anecdote, tant qu'on est dans les anecdotes. Les scènes de rêve, enfin de prémonition, il l'a fait faire à toute l'équipe qui avait fait le générique de Seven. Parce qu'en fait, Spielberg, en voyant Seven, il s'en est rappelé et il s'est dit, mais c'est ce genre de truc qui pourrait marcher avec le reste de l'univers que je veux faire. Ah, trop bien. Ok. Mais malin, Steven, quand même, des fois. Oui. Ouais, il a oublié d'être con, lui. Non, mais tout est trop pensé dans les détails et tout, c'est trop bien. Ouais. Alors, un détail aussi, quand même, la pub, parce que quand même, c'est la un pub, peu c'est full génial. Placement de produit, quoi. Bah ouais. Mais après, c'est intéressant parce que ça fait partie de cet univers, justement. Mais ça fait partie de la critique, il a bien placé quand même. Ah bah après, il en a placé. Petit quiz. Combien de pubs? Moi, j'ai trouvé deux sponsors, des marques qui ont donné un peu de thunes pour ce film. Il y a Nokia et Lexus, par exemple. Nokia, le téléphone. C'est sur les écrans qui est écrit. Ah, c'est sur les écrans. Oui, Lexus, après, il y a aussi les montres, parce que les montres, on les voit au taquet. Montres. Alors, du coup, Nokia, ils ont filé 2 millions de dollars pour avoir juste écrit Nokia de temps en temps. Et Lexus, elle a filé 5 millions de dollars et des prototypes de bagnole. Waouh. Voilà. Wow. Ouais. C'est pas mal. Ça aide pour un budget. C'est vrai que dans la scène des voitures, tu t'es dit, étonnant cette scène. Scène de voiture qui ressemble beaucoup à la scène dans Star Wars 3, où il y a une usine où ils se font une bagarre au sabre laser dans une usine de construction de droïdes. Ah oui. Et où c'est pareil, où ils sont sur une chaîne en fait. C'est un peu le même genre qui a été repris. Qui a été repris du coup par George Lucas. Et ils apparemment, amis, en plus. Je me rappelle plus quel réalisateur de l'époque de la Nouvelle Vague là, qui avait. qui avait déjà évoqué une sorte de séquence un peu comme ça où en fait à la fin dans la voiture on trouvait un cadavre et pas du tout malin. Voilà, et c'est apparemment il y a full référence dans ce film, c'est un des rares films de Spielberg, c'était son 20e et un des rares où justement il va à fond dans les références de partout quoi. Ah, il y en a beaucoup aussi, beaucoup de références à Kubrick hein. Tu vois la scène où il change les yeux, bon bah c'est Orange Mécanique à fond quoi. Ah ouais, grave, c'est horrible là, cette scène. Et le nom même du mentor, apparemment c'est le même nom que celui qui a écrit Burgess. Qui a écrit quoi? Orange Mécanique. Ah, délire. Ouais, ah ben, il y a plein de petits détails. Les précogs sont nommés en fonction d'auteurs de science-fiction, de polar. Ouais, comme Christie, Agatha Christie. Et les deux autres, je me rappelle. Arthur Conan Doyle. Ah non. Si. Ah oui, si. Et Dashiell, je sais plus comment. Mais c'est des auteurs. Trop bien. Ah, c'est la folie des auteurs. J'aime bien ces trucs-là. Ouais. Easter egg. Ah si. Il y a eu une série télévisée, Minority Report. Ah. Ouais, qui a été produite par Spielberg en 2015. Il n'y a eu qu'une saison, je n'ai pas regardé, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais c'est la suite de Minority Report. Ah ouais. Avec la vie des précogs après. Ouais. En même temps, c'est intéressant. Donc c'est vraiment le passage le moins intéressant. En fait, ils sont dans leur cottage, ils bouquinent. Non, mais c'est intéressant parce qu'eux, ils vont continuer à avoir les visions, forcément. Et oui. Alors et justement, quand ils t'en parlent dans le film, c'est en gros ils les ont mis dans un endroit où ça pourrait être plus cool, quoi. Que dans le bouquin, les précogs, ils repartent en mode full misère et drogue, Krakos 2000 dans les bas-fonds, quoi. Bah oui, mais c'est ça. c'est le. Ouais. Mais là, dans le film, ils disent qu'en gros, ça va mieux maintenant qu'ils sont au vert et qu'ils bouquinent. les visions, ça a l'air d'aller. Et on s'embarrasse pas. Et d'ailleurs, petite chose qu'on n'avait pas dit, mais la première femme qui a été tuée, là, Anne Lively, c'est la mère de Agatha. Oui, de Agatha. Parce que c'est vrai. Zappé, oui, oui. Mais... oui, oui, c'est ça. Et parce que justement, Burgess la tue parce qu'elle ne veut pas laisser Agatha. Oui. Ouais. Bref, voilà. Bon, ben, super. C'est cool, hein. Ouais. Et alors, en regardant ce film, j'ai oublié d'en parler au dernier épisode, mais j'étais à deux doigts de me dire, on va lancer une nouvelle rubrique. Ce qui est la rubrique « Où est le cousin de Tom Cruise ?» Ah mais oui, je voulais te demander tout à l'heure. Parce qu'il y est dans Vanilla Sky. Ah ouais ? Il est dans la fête d'anniversaire de Vanilla Sky. Il y a le cousin de... donc William Potter. C'est le cousin que Tom Cruise fout dans tous les films. Le mec, sa seule carrière, tu regardes sa fiche IMDb, tous ses premiers films, c'est que des films avec Tom Cruise. Après, tu regardes, tu dis « Ah bah, c'est son cousin. » En fait, il l'a foutu en figurant ou des petits rôles. Et là, il fait le réceptionniste de l'hôtel. Attends, de l'hôtel. Ah ! De Leo Crow. Et il y a même un peu de... il y a quelques images quand même. Ah oui, il a même figure. Un texte. Hein. Il a un texte, Non, ce mec, sa carrière décolle grâce à son cousin. Après, c'est vrai que ton cousin, c'est Tom Cruise, il est premier machin. Normalement, tu récupères 2-3 rôles. C'est cool. Bon, après, je sais pas si... on va peut-être pas faire cette rubrique parce que je pense que ça va bientôt s'arrêter. Mais bon, ça fait quand même 4 films de suite, c'est beaucoup. Mais donner un film à ces pauvres... comment il s'appelle ? William Mapotter. William Mapotter. Ah, bah après, il va être connu. Il va faire beaucoup de télé. Il va faire beaucoup de télé. Ah. Il va être connu dans Lost, quand il fait le médecin des méchants dans Lost. Même s'il est méchant, c'est jamais qui c'est dans Lost. Ouais, c'est horrible. Yeah. J'ai jamais vu Lost. Eh ben voilà. Bah, t'as raté le meilleur rôle de William. Et c'est tout. C'est pas ouf. Hein, mais... non, je l'ai revu il y a pas si longtemps, Lost. Ah. Et non, il y a des trucs bien. Et pas grâce à J.J. Abrams. Ah bah non. Oui, ça arrivera dans quelques épisodes, on va dire, du mal de J.J. Abrams. Préparez-vous. Yeah. J'ai envie. Donc. On se fait des. Oscar. On a d'autres trucs à dire sur le film ou pas? On a déjà dit pas mal de choses. Au pire, ça viendra après. Hein. C'est pas très grave. Ça viendra après. Mais bon, ouais. on est d'accord, c'est un grand film. Ouais. Oui. Est-ce que c'est un film qui mérite une petite statuette dorée? Nous allons le savoir dans la prochaine rubrique. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. Et oui, les Oscars. Dans tous les films où il y a Tom Cruise, il y a toujours des gens autour qui traînent qui ont des Oscars. Et lui, il n'en a toujours pas. Pour ce film. Est-ce qu'il y a des gens autour qui ont des Oscars? C'est un quiz aussi pour vous. Spielberg, oui. Avant ou après, hein? Ah, oui, peu importe. Okay. Donc Spielberg, oui, 2 Oscars. Non, 3. 2 pour La Liste de Schindler, meilleur film et meilleur réalisateur, et 1 pour Le Soldat Ryan. Ouais. Plus 16 nominations. Waouh. Voilà. En gros, la moitié, quasiment. Non, peut-être pas la moitié, mais un tiers de ses films, il y a une nomination aux Oscars. Bah ouais. Dont récemment West Side Story, qui ne l'a pas eu. Ah, que j'ai pas vu. En fait. Et moi non. Il y en a d'autres. Hein. What else? Il y en a un autre qui est assez évident. Colin Farrell? Non, Colin Farrell, aucune, même pas une nomination, rien. Ah, oh, pas Colin. Évident quand même. John Williams. John Williams, 5 Oscars, 33 nominations, c'est pareil, un film, une nomination. Photo, change pas de partition. ça marche pas. Ça marche. Mais les Oscars, ils ont pas compris. Ils sont formatés. Eux, si ça ressemble pas à du John Williams, il va pas. Ils votent pas. Tu m'as dit photo. Oui, photo. Janusz Kaminski, 2 Oscars pour La Liste de Schindler et Le Soldat Ryan, plus 5 nominations. Il le suit partout, en fait. Il le suit partout. Il y a quelqu'un d'autre qui le suit partout. Les sons. Non. Effets spéciaux. Scénario. Non. Il est pas. Scénario. Scénario, j'ai pas vu. J'en ai peut-être raté. Mais c'est qui alors? Costume. Point. Ah, yes. Deborah Lynn Scott, elle a eu un Oscar pour les costumes pour le Titanic. Un des 72 Oscars de Titanic. 25. Et le monteur, Michael Caine, qui a eu 3 Oscars pour le montage pour Les Aventuriers de l'Arche Perdue, La Liste de Schindler et Il faut sauver le soldat Ryan. Oui, c'est, c'est disons, Spielberg et sa team. C'est l'équipe. C'est ça. Et après, le film Minority Report a eu une nomination pour le montage son. Nul. Bah non, c'est bien. Bah, c'est bien quand même. Tu voulais mettre tu voulais un Oscar pour quoi, pour ce film? Bah, meilleur acteur. Au-delà de ça. La photo. Rétrospectivement, tu te dis que ça a quand même changé des choses. Ouais, bon. Ou Steven. Mais après, je sais pas à l'époque, c'est qui a gagné ou... Ah, ça, j'ai pas regardé qui était en face. Les Oscars de 2002. Ça doit être assez... Je sais pas. Voilà. Bon. Les sous-sous, ça a coûté cher. Oui. Bon, il y a quand même une Alexis qui a filé des ronds. Ouais, okay, voilà. Mais ça a quand même coûté un peu. Ça a coûté... Sachant que Tom Cruise... Pas mal. Tom Cruise et Steven Spielberg, on dit OK, on prend pas trop... On baisse nos salaires, mais on prend des intéressements. Sachant que Spielberg fait ça sur tous ses films. Il a jamais de salaire. Je lui disais une interview, c'est qu'il, en gros, il dit « Mais moi, j'ai jamais eu de salaire de ma vie sur mes films, j'ai eu que des intéressements. » Je lui dis « Bah ouais, mec, mais... » Ça va, quoi. Ça va, tu vas pas te plaindre non plus. C'est clair. Donc, ils ont fait un effort, mais ils ont pris des intérêts sur le film. Ils ont bien fait, puisque Tom Cruise, il a récupéré dans cette affaire 25 millions de dollars. Wow. De quoi s'acheter quelques trucs. Quelques smarties. Un nouvel hélicoptère pour aller en Afrique du Sud. Je fais des références à l'actualité parce qu'en ce moment, sur Twitter, toutes les images de Tom Cruise, c'est lui qui atterrit en hélicoptère pour aller sur le tournage de Mission Impossible 8. Enfin, bref. Donc, ce film, il a coûté la bagatelle de 102 millions de dollars. Pas mal. C'est énorme. Oui, mais on va avoir tellement plus gros. Et est-ce que ça a marché un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout? C'est le maturé, ça a très bien marché. Parce que je l'ai vu en Italie. Eh oui, tu l'as vu en Italie. Ouais, au moins les doubles, voire plus. Plus. Oui. Et 10 plus, voilà. Ah oui, plus. Ça fait 3,5 fois plus. Donc ça rapporte 358 millions de dollars. Waouh. Tu mets 1 dollar là-dedans, t'en récupères 3, ça. C'est pas mal. On dit pas non. Mais moi, je veux bien investir 1000 euros sur les films de Tom Cruise. 1000 euros sur les films de Tom Cruise. Alors fais gaffe, parce qu'il y a eu une période où ça valait pas trop le coup. Ah ouais, ça dépend bon, lesquels. Globalement, je vais lire. Tu récupères toujours au moins 1,10 euros. Ouais, sur global, tu perds jamais. Global. Avec je crois qu'il y en a d'où tu perds. On avait vu. Bah, Legend. Legend, tu perds de l'argent. Ah, et en plus, ça aurait été les seuls que j'aurais produits. Et ouais, tu vois, donc c'est bien. Donc c'est pour ça mauvaise. Que Selena ne produit pas. Très mauvaise. Ok. Donc, ça, c'était les sous-sous, et maintenant, on va parler du Tom-Tom. Tom-Tom. Donc Tom-Tom, qui dans ce film n'est que acteur, pas producteur, mais bon, comme disait Romaric, il y a quand même le lien avec Spielberg. Ça faisait longtemps qu'ils voulaient bosser ensemble, donc ça a quand même un petit impact. Ils sont super potes. Ouais. Ils sont super potes, je sais pas. Plus trop. Mais en même temps, ils étaient un peu tous les deux au top, là. Donc, vas-y, on fait un truc ensemble. Oh, oui. Tu m'étonnes, t'as pas trop à réfléchir. Hein. C'est deux stars. Alors, t'en as pensé quoi de son jeu à Tom? De l'impact de ce film? Non, du jeu de Tom Cruise. Ah oui, aussi. Bah, les deux. Oui. Ah, le jeu de Tom Cruise, moi, j'ai trouvé très Tom Cruiseien. Mais vraiment efficace, en fait. Ouais. Efficace. Ça m'a pas surpris. Mais très, très bien. Quand on voit les films plus récents, je me dis, mais c'est vraiment... Il y a tout là-dedans. Ouais, je pense que celui-là, c'est un peu celui qui est le plus caractéristique. T'as vraiment tout l'attirail. t'as oui. le mec seul contre tous, le mec physique, le mec qui court tout le temps, qui est enfermé par erreur. Enfin, ça, c'est vraiment le proto, proto Tom Cruise qu'on va avoir après pendant des années. Et même les super-héros, mais avec des failles. Ouais. Drogué, mais pas trop. Drogué, mais qui va s'en sortir. Je sais pas. Ouais, parce qu'il passe quand même quelques jours sans prendre un pet de drogue et lui, ça va. Il n'a pas besoin de désintox. Alors qu'il en prenait 5 des clartés chaque soir. Quoi. Oui, mais avec des chocs à pic. Donc oui, peut-être que ça atténue la drogue. Mais ouais. Bon, moi aussi, je trouve qu'il était bien. Non, mais c'est vrai. Eh ben, là, c'est la rubrique la plus rapide. Mais non, mais c'est vrai, il le fait bien. Et ça... Et il n'est pas trop exagéré. Ouais. Parce qu'au début, il est un peu arrogant. Mais puisque assez vite il devient le potentiel assassin, le fugitif, il change un peu de statut et c'est intéressant de le voir là-dedans. Après, c'est un truc qu'on avait vu, tu sais, moi ça m'a fait penser dans La Firme. Alors, c'est pas exactement la même porte d'entrée, parce que dans La Firme, c'est le jeune qui monte, et après qui est victime de complot. Mais il y a un peu ce truc-là, quoi, en moins fatigué. Il est un peu plus solide que dans La Firme, mais c'est le même genre de trajectoire de personnage. Et la scène où il se retrouve face à face avec le faux pédocriminel, c'est pas mal quand même. Il est assez détruit et tout. Il est là, je veux pas. Quand même, il y a un petit. Ah, il se la donne. C'est un moment qui est bien, quoi. Et alors, j'ai vu qu'il avait voulu faire beaucoup, beaucoup de cascades. Comme d'hab. Là, c'est pas John Woo en face. Et puis, déjà, il est pas producteur. Mm. Et puis, c'est pas John Woo en face. Donc, Spielberg lui a dit non, tu vas pas tout faire quand même. Et il a pas tout fait. Il en a fait beaucoup. Mais il a beaucoup moins que sur Mission Impossible 2 ou la suite. Personne n'avait le choix parce que c'est lui qui faisait les chèques à la fin du mois. Mm. Tu le laisses faire. Ouais. On ferait tous ça. Je sais pas, après la responsabilité de la vie de Tom Cruise entre tes mains. Oui, mais quand c'est lui qui produit, tu t'en fous, c'est son problème. C'est lui qui a produit. Bon, parce qu'après, tu bosses plus pour les restes de ta vie. T'as tué Tom Cruise, vas-y. Ça, on verra le jour où il y aura un réalisateur qui tue Tom Cruise. Bon, a priori, ce sera Macquarie. Il ne tombe plus qu'avec lui, donc il n'y a plus trop le choix. Quoi. Dans l'espace. Dans l'espace. Ouais, génial. Laisser dans l'espace. Ah, super la pollution spatiale. Le corps de Tom Cruise en orbite. T'imagines, c'est la classe. On a des satellites autour de la Terre et le corps de Tom Cruise qui est le seul corps dans l'espace. Ça, c'est une belle mort. Il n'y avait pas le chien russe, il n'était pas laissé dans l'espace. Ouais, Laika. Ils l'ont laissé dans l'espace. Bah oui. Tous les animaux qu'ils ont envoyés dans l'espace, ils les ont laissés dans l'espace. Je croyais qu'elle était morte au retour dans la. Eh ben non, aucun animal est revenu de l'espace. Non, je crois qu'elle n'est pas revenue. Envoyons Tom Cruise, le cadavre de Tom Cruise Laika. Dans l'espace. Elle est peut-être un grand vivant. Depuis le temps, je pense que c'est pas comme le chien dans Vanilla Sky, qui n'est pas mort en fait. Ok, enfin bref. Écoutez l'épisode d'il y a deux semaines, si vous voulez comprendre. En termes de jeu d'acteur, il y a quand même celui de Colin Farrell, moi qui m'a bien plu. Oui. Il est trop vraiment, bien, Colin Farrell. Je voulais te dire quand même petite mention. Son personnage est vraiment il est vraiment trop bien, je trouve. Il est trop intéressant. C'est un des meilleurs personnages. Je pense que c'est le meilleur personnage du film. Du film, parce qu'il est identifié hyper vite comme c'est le méchant. Mais en fait, il va gentiment tout. La scène dans l'ascenseur avec Tom Cruise, quand il est au tout début, où il y a Tom Cruise qui commence à fuir. Et Colin Farrell arrive de chez Tom Cruise, il sait qu'il est drogué, il se croise dans l'ascenseur et il lui dit « Toi mec, toi t'es dans la merde, parce que j'ai tout compris, t'es dans la merde. » Et Tom Cruise il pense qu'il se dit, ça y est, il a vu que j'allais tuer quelqu'un, donc il va m'arrêter. Et il dit « c'est à cause de la drogue. » D'accord. Il le braque et Colin Farrell, hyper sûr de lui, qui fait « Non mais il n'y a pas d'alarme, donc tu vas pas me tuer. » Et juste à ce moment-là, t'as l'alarme qui sonne et tu vois la tête de Colin Farrell qui se décompose. Ok. Ouais. Cette scène-là, elle est énorme. Non, mais c'est vrai que c'est un super beau personnage. Ouais. Et c'était Colin Farrell tout jeune à Hollywood. Mais il est fort, Colin Farrell. Moi, je l'aime bien dans tous ses films. J'aime bien ces gars. Ouais, je l'ai même aimé dans Batman. Mais Batman, quel Batman? Le dernier, Batman. Voilà. Il est dans les derniers. Ouais, il joue tout le temps. Ah, c'est le pingouin. Le pingouin. Ah oui, c'est vrai. Encore une fois, moi, pour un personnage là qui est intéressant dans le film. Ouais. Et voilà. Mais c'est vrai que quand il meurt, Colin Farrell, quand il meurt dans les films, t'es là, non. Je commence à l'aimer. C'est ça. Je le voyais bien travailler avec Tom Cruise, tu vois, et réussir à résoudre les crimes ensemble. C'est un peu le problème du film. Moi, je trouve que vraiment, tu prends les deux premières heures, ça tabasse. Et les 20 dernières minutes, vraiment la résolution à partir du moment où on a compris tout le complot et jusqu'à ce qu'il démasque et qu'il aille mettre Burgess face à son problème. c'est là où c'est plus compliqué. Déjà, c'est plus compliqué, je pense, dans l'histoire, de garder le même rythme, le même action et les mêmes tensions. Tu l'as plus parce qu'en fait, à partir du moment où Whitworth décède, enfin, est tué, tu sais comment ça va se finir. Donc maintenant, c'est comment on y arrive et c'est beaucoup moins palpitant, on va dire. Ouais. Surtout qu'après, il y a le double twist de ils finissent encore mieux que prévu. Ouais. Ouais. Bref. La construction à la fin. Moi, il y a plein de fois, peut-être parce que j'ai été conditionné Mission Impossible, mais ou les Missions Impossibles de l'époque. Mais il y a quand même plein de fois qui me font penser un peu à du Mission Impossible là, dans le film. Par exemple, le délire du, à moins que je me plante, hein, là du coup je suis au bon endroit. Vas-y. Le délire du coup de fil à la fin, pendant la cérémonie, et en même temps je te mets la vidéo et en direct, moi je suis en train de faire autre chose à côté et je te dis ça, pour moi ça faisait vraiment c'est carrément Mission Impossible là. Ouais. Et il y avait d'autres moments là qui sont partis de ma tête au moment où je le dis, mais plein de fois je me disais quand même là on sent vraiment je suis surpris, tu vois, que de voir qu'il ait pas été producteur du film, tu vois, je savais pas, parce que pour le coup il y a plein de trucs, tu te dis là on dirait que Tom Cruise est là, mais Tom Cruise et sa manière d'être dans les films aussi d'action, il a amené tout ça aussi dans le film, quoi. Je pense qu'on est arrivé aussi à une période dans la carrière de Tom Cruise début des années 2000 où en gros tu fais avec le mec, donc t'es un peu obligé de construire comme on a l'habitude de construire avec lui, donc est-ce que forcément Mission Impossible ça influe sur la production de Minority Report dans comment tu utilises Tom Cruise, et lui ça le conforte dans ce truc qu'il va continuer à faire après, quoi, en fait. Et ouais, là on est un peu, c'est un peu tout droit jusqu'à la fin, quoi. Enfin, on verra, peut-être qu'on aura des surprises. Il y a un autre truc, Mission Impossible de cette époque-là, les premiers deux là, la nana qui ne sert absolument à rien, mais c'est juste l'intérêt amoureux de Tom Cruise, et qu'à la fin fait un peu vrai truc pour le sauver, mais qu'en réalité Sa femme, mais elle apparaît hyper tard, elle sert à rien. Ça sert à rien, quoi. Si ça sert à lui sauver un moment, mais donnez-lui un peu plus de je sais pas, du corps avant, quoi. Elle est trahie c'est horrible. Dans le bouquin, elle est collègue aussi, elle est flic. Aucune meuf récupère les yeux de son mari et un pistolet. Bon, bref. Ça c'est vraiment tiré par les cheveux. Parce qu'ils pouvaient pas avoir plusieurs personnages féminins, ils avaient déjà le précog. Déjà Agatha, un peu too much. Quoi. Agatha, c'est tout. Ouais, c'est beaucoup. c'est chiant à jouer parce que t'es censé être un légume dans du. Pas du krypton, comment ça s'appelle ça ? Photonique, je sais pas quoi. Ouais. Et après, ensuite, tu as une course-poursuite, mais tu sais pas marcher. Enfin, un peu chiant à jouer. D'ailleurs, pour avoir une comédienne, je me disais, elle devait trop. Les comédiens là, dans l'eau, là, ça devait être l'enfer de sortir de l'eau avec les yeux ouverts et tout. Franchement. Elle doit tout friper du tournage. Ça devait être horrible, ce truc-là. Ouais. Personnage féminin, encore quand même. Il y en a un là qui est quand même hyper important dans le rôle de la vieille. Non mais à la base quand même, c'est quand même une meuf. Parce que si on parle des Agatha, elle a besoin d'être sauvée. Personnage féminin, c'est super. La femme de Tom Cruise, bon, elle s'est barrée quand ça allait pas. Puis elle revient juste pour le sauver en deux-deux, puis elle disparaît. Le solo de personnage féminin qu'on a dans le film, c'est la sorcière, la scientifique. Ouais, c'est ça. Puisqu'elle est au fond des bois, elle fait des trucs, elle a les plantes et tout, c'est encore un cliché, quoi. C'est un cliché, je voyais pas du tout. C'est encore pire. Mais voilà, c'est encore. Vraiment, c'est une vision. Parce que vraiment sur une vision de la femme là. Après c'est Spielberg, hein, ça n'a jamais été. C'est l'époque de ça, hein. Quand même aussi. C'est l'époque aussi, ouais. Et Spielberg pour le coup, ouais. Il n'a jamais été très fort sur les personnages. Et la vieille dont on n'en a pas trop parlé, au début, elle te la présente comme une scientifique des ouf. Mais tu découvres que c'était juste une âme pieuse qui voulait sauver des gamins, donc déjà louche. Et après, elle embrasse Tom Cruise sur la bouche. Mais voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est trop bizarre. C'est improvisé en plus. Personne n'était au courant. Mais tu vois, c'est trop chelou, ça n'a aucun rapport avec ses persos, et il laisse ces trucs-là mode... Ça lui redonne une image un peu manipulatrice, un truc hyper bizarre, quoi, dans ce que c'est ça raconte. C'est chelou, quand même. Ça apporte pas grand-chose, voire ça brouille les pistes. Encore une fois, quoi, une meuf est là, elle a un rôle, bon, elle va la faire embrasser le mec. Tu vois, complètement contre son gré, c'est trop bizarre. Bizarre. Bref. Voilà. Steven. Des choses à rajouter ou vous voulez mettre une note de 0 à 100 sur une échelle qu'on appellerait C'est l'heure du coup aux auditeurs. Mais quelle transition, voilà. Une tentative de transition de temps en temps, je sais pas pourquoi. C'est, bien. Du coup, ça a marché ? Allons-y. Très très bien. Le cruisomètre, c'est cette échelle de 0 à 100 exprimée en pourcentage pour donner notre ressenti à l'issue de du visionnage du film sur Tom Cruise dans le film, l'impact que ça a sur sa carrière. Ah ouais. Notre ressenti, est-ce que sa mère serait fière de lui ou pas ? Ça, c'est un des critères. Je sais, pour toi, Serena. Bah, pour moi, c'est est-ce très qu'il important. A été diffusé en Italie maintenant ? Ça, c'est oui, aussi oui, un des critères. C'est un critère. Est-ce qu'il y a son cousin dedans ? Enfin, voilà, plein de choses. Alors, allez, qui veut commencer ? Moi, je ne sais pas trop. Je suis très partagée parce que je pense qu'à ces moments même, il est bien pour sa carrière. Mais je sais que dans les futurs, ça amènera un autre film avec Spielberg. Qui sera une catastrophe pour sa carrière. Partant les films en lui-même, ouais, mais le la, les tours ce qui des se passe presse. Après. Ouais, ouais. Du coup, attention. Je ne peux pas trop le. J'ai un peu du mal à le mettre très très haut. Ouais. Je ne sais pas. Je okay. suis vraiment partagée. Je pense autour des 50. Tu vois, pour être en moitié importante, mais pas trop. Tu vois, mais je ne mettrais pas trop haut. Ok. Bah, 50 donc 50. Plus. Okay, ouais. En plus, je pense qu'ils ont un peu fait power couple avec Spielberg sur La Guerre des Mondes. Moi, j'ai écouté des podcasts sur leur relation. C'est flippant. Oui. C'est vraiment flippant. Leur relation était les deux mecs hyper puissants, hyper gentils, mais hyper puissants quand même. Ouais, et pour moi, ça te monte au cerveau, ça, c'est sûr. Donc, en tant que mère de Tom Cruise platonique, j'ai un peu peur. J'ai peur pour mon fils, Romaric. Eh oui. Toi, t'as moins de références que nous, on a des références par rapport au futur. Mais... Voilà, j'essaye quand même de voir les moments où vraiment ça m'a marqué. Il y a des trucs qui m'ont marqué chez lui, vraiment. Moi, je trouve qu'il c'est un mec tellement. Il est efficace, quoi. Pour moi, c'est le truc qui revient, quoi. Du coup, il pourrait manquer un peu de trucs qui me touchent, quoi, vraiment à l'intérieur. Donc, je pourrais pas aller à 100. Je pourrais pas aller dans la catégorie 85-100 parce qu'il y a cette partie-là en plus pour moi qui manque. Du coup, je dirais, parce que ça fait quand même franchement bien le taf, on y est dedans à fond, il est investi, moi je dirais 70%. Très bien. Ok. Et Pauline ? Eh bien, moi, je vais monter à 84%. Ouh oui. Alors, en vrai, quand j'ai commencé le film, les deux premières heures, j'étais là, à un moment, je pars aux toilettes et je me dis, ouais, je vais mettre 90. Et puis il y a eu la fin qui m'a fait un peu baisser. Mais non, c'est pour le côté, ce qu'on disait déjà, le fait de tourner avec Spielberg, c'est hyper important. Ça va même ce que tu disais sur ce qui se passe après La Guerre des Mondes, mais c'est encore après. Ça pose le film est hyper, mine de rien, hyper culte. Je pense Minority Report, ça fait partie des films des débuts 2000 que tu te souviens vraiment bien, qui a bien vieilli en plus. C'est ce qu'on disait, c'est le proto Tom Cruise, quoi. C'est-à-dire que c'est quoi Tom Cruise, tu vois le personnage dans Minority Report, c'est celui-là, quoi. Va avoir dans les autres Mission Impossible. Donc en fait, c'est hyper et aussi la place de Minority Report dans Hollywood. C'est quand même un film qui arrive à pas inventer la science-fiction moderne, mais la manière de filmer la science-fiction de manière un peu plus moderne, qui a quand même été copié, pas forcément réussi, mais qui a quand même posé des bonnes choses. Donc le film, pour moi, est plus important que ce qu'on. Je le ressens beaucoup plus important que ce qu'on pourrait croire. C'est vrai que par rapport à la science-fiction, c'est une référence, quoi. Et puis, ses premières collaborations avec Steven Spielberg, c'est pareil, sur le CV, c'est un moment où. C'est pas pour rien que c'est un peu le top de sa forme, le début des années 2000. Hein. Et celui-là fait partie. C'est peut-être même le plus là où il est au plus au top de du game, comme on dit chez les jeunes. Chez nous. Comme on dit sur TikTok. Est-ce que Rotten Tomatoes est d'accord avec qui Rotten Tomatoes est d'accord avec vous? Avec toi, c'est bien sûr. Bien sûr, on est d'accord avec moi. Rotten Tomatoes, donc l'agrégation de toutes les critiques de américain, je crois seulement. 90%. Waouh. Ouais. Oh, ça déconne pas. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est rigolo de se dire à l'époque ça a bluffé. Non, à l'époque c'était vraiment bluffant. Moi je me rappelle, c'était vraiment choquant, quoi. Mais même encore maintenant, ça marche encore en fait. Oui. Tu vois, il y a des trucs qui sont bluffants à une époque, tu revois maintenant, tu dis ouais, quand même. Tu vois, Jerry Maguire, ils avaient des super notes. Ouais. La société a changé et la production aussi. Donc là, non, quand même, ça a quand même un truc qui vieillit bien, quoi. Et après, quand t'as 100 millions de dollars à mettre dedans, ça marche, des fois. Je sais plus, Legend, il y avait beaucoup d'argent aussi. C'est vrai. Tu peux te rater avec beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai. Impossible. C'est vrai. Et pour halluciner les spectateurs, c'est 4 étoiles sur 5. Pas mal. Oui, bien sûr. Mais je pense que c'est un film culte pour les... Les Français, ils ont bien aimé. Ouais, ouais. Non, mais quand, moi, je te rappelle, quand j'étais ado, Minority Report, ouais, ça faisait partie des... Oui, c'est vrai. Des films que tu allais voir à la fête du cinéma et que tu restais dans la salle plusieurs fois de suite. Ah, trop mignon. Là, on découvre les Tom Cruise qu'on a découvert, nous, jeunes. Mais oui, c'est ça. C'est hyper chouette. Ouais. Ouais, parce cool. que là, 2000, c'est vraiment l'époque où on commence à aller beaucoup au cinéma. Collège, quoi. Ouais. Ah oui, oui. Donc, bon. Et là, on le voit en direct, quoi. Donc, on va vraiment au ciné. Cool. Recommendation. Allez, qui commence? Qui a une recommandation? Ok. Vous battez pas. Vas-y. Mais... Je commence. Vas-y. Allez, je commence. C'est une chaîne YouTube. Oh. Qui s'appelle La Séance de Marty. C'est un mec qui fait des analyses de films qui sont super. C'est hyper classieux la prod de ce qu'il fait. Et notamment, il a. Je dis ça parce que j'ai revu il y a pas longtemps une vidéo qu'il a fait sur Minority Report où il parle notamment de la scène avec Colin Farrell. Je l'ai vu aussi. Elle est géniale. Elle est super bien foutue et c'est très bien. Et puis, ses autres vidéos sont chouettes, quoi. Et je m'en suis rappelé. C'est en français. La séance de Marty. Ouais. Voilà, c'est une petite recommandation rapidou. Et vous pouvez commencer en regardant la vidéo sur. Il explique très bien du coup cette scène avec Colin Farrell. Trop bien. Romanic. Ouais. Alors j'en avais une et puis il m'a fait penser à une autre. Perdu. Vas-y, tu peux donner deux. Hein. Donc je vais en donner deux pour faire suivre un peu. C'est vrai, j'ai une chaîne YouTube aussi que j'aime beaucoup qui m'a appris plein de trucs sur la naissance d'un film quand t'as un scénar qui est écrit puis ensuite envoyé à un endroit puis en fait on va le réécrire, on envoie à quelqu'un d'autre et du coup tu vois le film à travers plein de noms que tu regardes jamais ou rarement sur le générique et du coup c'est les chroniques de Monsieur Mea, les chroniques du Mea, voilà. Et Mea écrit comment? M-E-A ou M-E-U-A ou du MEA, quoi. Mais M-E-A. Non, c'est MEA, ouais, c'est MEA, ouais. Je crois. Oui, c'est les chroniques chouette. Du MEA. Ah, ouais. Il est un peu fan de Columbo. Du coup, cool. Voilà. Du coup, bon, voilà, il y a vraiment des grosses sessions Columbo, mais on apprend plein de trucs. C'est hyper bien documenté, c'est très intéressant. Et l'autre que j'avais, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup et que là je regarde en ce moment et je me disais encore hier, je suis vraiment trop fan de cette manière de faire, c'est la série Atlanta. Ah, trop bien. Je suis vraiment trop fan de Glover, quoi. C'est un des personnages principaux qui est aussi producteur et musicien, et il fait aussi tout lui. Enfin voilà, il compose, il chante, il a rappé aussi. Enfin, moi, j'adore. Tout cet univers-là, c'est... Waouh. Je suis très, très fan. Donc, je conseille énormément. Trop bien. Cool. D'ailleurs, il y a une nouvelle saison qui est sortie, là. Exactement. Donc, c'est ce que... Ouais. Très, très bien. Très, très bien. Et il y a des jetpacks dedans? Je cherche le rapport avec Minority Report. Je n'en trouve pas. Ah non, il n'y a pas de rapport. C'est juste un truc. Minority Report, mais j'ai mais pas ça trouvé. Vient du cœur. Si, parce que c'est, ça t'émotionne autant que Spielberg. Tu vois, Ouais, peut-être, ouais. Il y a le côté un peu film noir dans Minority Report. Il y a aussi le film SF, mais le côté le film noir un peu plus, je sais pas, avec une ambiance, quoi. Mm. Voilà, ben, peut-être, voilà, l'ambiance. L'ambiance dans un. On peut avoir des recommandations tirées par les cheveux. Oui, on en a eu. Alors, moi, je vais vous conseiller une série des livres qu'on vient de me conseiller, que tout le monde connaît sûrement, mais moi, je viens de le lire maintenant. C'est Game of Thrones. Non. Je sais pas si vous connaissez. Mais on est pas loin. Tout petit truc. C'est Harry Potter. C'est une série science-fiction des Asimov, c'est Fondation. La série Fondation. Oui, c'est hyper connu. Mais c'est trop bien. Et ça fait un peu ça, l'histoire de la psycho-histoire qui prévoit les futurs et du coup, comment tu peux intervenir sur les futurs et c'est quoi les... Quand tu interviens sur le futur, qu'est-ce qui se passe? C'est très intéressant. Et là, moralement, je le trouve beaucoup plus intéressant. Et c'est chouette. Donc, tu as commencé la série de bouquins? J'ai lu les premiers deux. Ok. Et il y a eu la série aussi qui est sortie il n'y a pas longtemps. Oui. C'est vrai que les bouquins, ils ont été réédités parce qu'il y a la série, mais je n'ai pas vu la série. Moi, je n'avais pas lu les bouquins. Donc, et qu'on m'a énormément conseillé aussi. Du coup, j'ai regardé la série, j'ai la flemme. Je me suis dit, tiens, il y a la série. Bon, vas-y, je vais regarder. Et en fait, j'ai regardé les deux premiers, je crois. Et le deuxième épisode m'a fait un peu mal. Du coup, je me suis dit, dommage. Ça n'a pas l'air aussi ouf que tout ce qu'on m'en a dit. Donc, je pense que ce sera plus. Je vais sur ta recommandation. C'est vrai. Surtout qu'à l'époque, je pense que c'était une des premières séries de science-fiction vraiment qui avait un peu de matière. Je ne veux pas me rater, mais c'est un peu ancien, la série des bouquins et tout. Et franchement, c'est... Oui, c'est une référence quand même. Ouais, c'est une grosse référence. Bon. Super. Si vous êtes nul comme moi en science-fiction, lisez Fondation. Voilà. Qui porte bien son nom. Qui porte bien son nom. Tout à fait. Ok, super. Super. Alors. Avec cette musique. Petite musique. C'est pas celle d'Indiana Jones, hein, toujours. C'est Minority Report. On se retrouve dans 2 semaines. Avec le dernier samouraï. Oh, attention, non. Sortez les katanas. Oh my god. Et les clichés racistes. Ouais. Ouais, je m'avance un peu sur le truc, mais bon. Donc, le dernier samouraï dans 2 semaines, et après ce sera Collateral de Michael Mann, tout à fait. Oh. Donc, comme ça, on vous donne 2 films d'avance, comme ça, vous pouvez les regarder. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On est à Cruzometer sur Twitter et Instagram. On a un site internet, c'est cruisecontrol.card.co, C-A-2-R-D. On est sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts classiques. Ouais. Pas de podcast sur le classique, sur la musique. Non. Mais de, Spotify, Apple, Google, machin, truc. Et surtout, on est sur PodCloud. Enfin, on est hébergé par PodCloud, qui est une asso toulousaine, avec des gens charmants, qui hébergent des podcasts, qui font de l'aide et de la promotion du podcast. Et c'est très, très bien fait. Et ils ont un énorme catalogue de podcasts indépendants, super chouettos. Vous pouvez aller y jeter un œil et écouter notamment Cruise Control, pour faire monter dans les classements, pour que Boris soit content. Et voilà, sinon vous pouvez faire plein de trucs, on vous a donné plein de conseils quand même. Vous pouvez regarder Atlanta, vous pouvez lire Fondation, vous pouvez plonger dans YouTube. YouTube, vous avez 2 chaînes YouTube, ouais, vous va. Êtes quoi faire pendant 2 semaines avant qu'on se retrouve. Tranquille. Donc, pour le dernier samouraï, un dernier mot. Merci Romaric d'être venu. Merci Serena, c'était cool. Notre expert Spielberg. Oui, qui tu reviens. Tu reviens reviendras. Pas très longtemps finalement. I'll be back. You'll be back. Allez, des bisous. Bisous.